Ouais, mon collègue, c'est Mickaël, qui est à la CGT Cheminots, et moi, c'est Yannick, qui est à Sudrail, Bretagne. Alors, Mickaël fait partie de SNCF Mobilité, et moi, je fais partie de SNCF Réseau. C'était suite à la grève de 2014, où l'entreprise a été éclatée en trois: SNCF Mer, SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Et dans le tout, RFF disparaissait, et soi-disant, on parlait plus de la dette, etc. Réseau fait la maintenance, Mobilité conduit sur le réseau. Et nous, on les fait payer. Voilà, c'est intéressant, c'est très intéressant ce point de vue financier. C'est ce qui fout le bordel dans la boîte. Par où commencer? Bah, on va parler de 2014, ça va être intéressant de parler de 2014 parce que du coup les cheminots avaient vécu une belle grève. C'est le... Ouais, 15 minutes. 2014, on avait vécu une belle grève, mais c'était une grève dite corporatiste parce qu'en fait c'était uniquement notre secteur de métier qui était touché, le démantèlement en trois de l'entreprise. Et suite à cette première, en fait, ce premier prémisse qui permet de démonter une entreprise unique et publique en plusieurs morceaux, ça annonçait ce qui avait déjà été fait à la SNCB et aussi bien à La Poste, à EDF, GDF, à France Télécom, démantèlement par activité et ensuite filialisation et privatisation et ensuite disparition des statuts de ces entreprises. Le statut fameux, statut de cheminot. Maintenant, on arrive donc du coup sur une analyse en 2016 et une certaine rengaine après avoir perdu cette grève. Nous voilà maintenant divisés en trois entreprises. Il y a déjà des nouveaux embauchés. Pour eux, ils sont à SNCF Mobilité et ne côtoient jamais Réseau. Et ça fait tout de suite des séparations d'activités et d'entreprises. C'est-à-dire que sur le terrain, pour eux, c'est Réseau, ils les regardent de loin. On a déjà cette problématique maintenant qui existe dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ne se considèrent pas... ensemble, déjà dans des cortèges ou au sein de la SNCF. Voilà, on ne se parle plus. Déjà, ça commence, alors que c'est que depuis 2014. On arrive en 2016, et là, on arrive sur la fameuse loi travail. Et on commence la grève, quasiment les grandes intersyndicales cheminotent courant avril. Après, on attaque début mars. Et on arrive enfin à être d'accord sur la modalité de partir sur des mouvements plus durs et pas sur des journées isolées qui nous coûtent très cher. Parce que si tu fais 5 journées isolées dans le mois, eh ben, pour moi, c'est plus intéressant de faire une semaine complète et bousiller la France au niveau ferroviaire, comme ça, tu es sûr d'être reçu par le patron. Mais bon, donc ces stratégies, le temps de faire comprendre ça, le temps de les mettre en place, on arrive enfin en mars à avoir des préavis reconductibles. Avec. Le plus d'unités syndicales est difficilement possible. Et donc, du coup, on a la CFDT qui est devenue donc un ennemi public et pas un syndicat. Ils font réellement, ils militent sur le terrain, ils militent dans l'entreprise pendant qu'on est en grève, au démenti de tout ce qu'on dit, de tout ce que dit le gouvernement pour faire passer la pilule à tous les agents. Les agents ont une info comme de la boîte. Ont une info d'un syndicat qui soutient la boîte et qui fait tout pour qu'il n'y ait aucun mouvement, aucune création de lutte, même pas de la participation à une assemblée générale pour donner son point de vue. Non, non, non. Là, on a cette problématique-là. On a un syndicat qui nous sabote le travail du militant de chaque jour, d'aller voir ses collègues, de faire des tournées syndicales, de faire les tracts. Donc on attaque cette grève comme ça avec la loi travail où on a entendu partout que les cheminots n'étaient pas attaqués par la loi travail. Or, dans la loi travail, il y a un petit truc qui s'est glissé dedans. Il s'agit du cycle médical de suivi des agents. Nous, on a un suivi médical selon nos métiers, selon les risques ferroviaires qui est établi par un médecin, établi par l'exposition aux substances chimiques et amiantes, par exemple, entre autres. Et bien maintenant, ce cycle-là peut être remis en cause avec la loi travail. D'ailleurs, on a déjà des papiers qui tournent quand on va à la visite médicale. Le cycle peut être changé et est au choix du médecin. Donc, la détection, l'espèce de. On peut essayer de faire de la prévention, de la médecine pour trouver des produits qui pourraient toucher les agents et que l'agent pourrait bénéficier des soins et éviter un cancer des poumons dû à l'amiante, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, on est impacté par ça. Donc, déjà, la CFDT nous avait bien menti et nous l'a mis profond. Oui, ça me surprend. Oh non, mais je déconne. Alors, du coup, on arrive maintenant sur 2016. 2016, on a la LGV qui arrive enfin à Rennes. C'est super intéressant. Et on va attaquer le grand sujet, c'est que c'est bien, on a financé un réseau pendant 20 ans. On a des trains qui arrivent à l'heure à Rennes, des fois, parce que ça merde depuis son lancement. Mais bon, c'est pas grave, mais personne n'en parle. La maintenance de cette LGV, elle n'est pas faite par la SNCF. Elle est faite par le groupe Eiffage. Et dans les tournures des événements, bizarrement, on voit disparaître des activités au sein de l'entreprise, comme le fret, où 40% de son activité a complètement disparu et ça a fini sur les routes. Après, on dit qu'on est une entreprise écologique. Et on a foutu plus de camions sur les routes et on a cassé tout ce qui était transport de marchandises. Impressionnant. Après, on va arriver sur les lois sur ordonnance, les fameuses lois sur ordonnance, qui nous promet un CDI de projet. Alors forcément, là, tout de suite, on va avoir un débat avec les cheminots. C'est comment créer maintenant, dès la rentrée scolaire, un rapport de force et poser les modalités d'une grève reconductible. Comment relancer des AG et se relancer assez vite quand même, parce que ça ne date pas de si longtemps qu'on était en grève, même si ça nous a coûté 2 mois et demi. Eh bien, très difficile. On a tout de suite la CFDT qui fait des démentis et qui repart sur du corporatisme, qui veut absolument attendre que ce soit la SNCF qui soit attaquée. Bon, ça va être compliqué. On a tout de suite vu sur le 12 décembre qu'il y avait des cheminots qui ne sont pas tombés dans le panneau. On était quand même 30% de grévistes, donc c'est pas rien. C'est qu'il y a encore une force combative qui est là et qu'on n'arrive pas à mettre en place. C'est les problématiques de chaque jour et en tant que de nos organisations réciproques, le temps aussi qu'on fasse nos intersyndicales. Chacun se met des bâtons dans les roues, on n'a pas les mêmes modalités d'action, etc. Les confédérations, il faut attendre l'avis du national. Enfin bref, et vous connaissez, j'en passe, c'est les meilleurs. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elles nous prévoient, ces petites lois sur ordonnance? On va regarder ça. Alors, attends. Il y a eu un débat cet été. Juste avant, la fameuse dette. Cette fameuse dette d'État, conséquence directe de la politique clientéliste de tout TGV et du délirant système de péage qui, depuis 20 ans, oblige la SNCF à payer pour faire circuler ses trains sur des lignes qu'elle a construites. Si le statut est attaqué, c'est surtout pour des raisons idéologiques. Casser le statut cheminot, c'est affaiblir davantage la corporation qui constitue un obstacle majeur à la privatisation. Moins les salariés du secteur ferroviaire auront de droits, plus les transferts aux groupes privés sera aisé et avantageux pour les patrons. Et plus l'ensemble des travailleurs et travailleuses du secteur ferroviaire seront exploités, le régime des cheminots et des cheminotes, comme par exemple celui des intermittentes, représente un contre-modèle gênant à l'heure de l'ubérisation du salariat, de la précarisation comme norme, quoi. C'est assez impressionnant parce qu'on a entendu tous, on a tous pas entendu parler de la dette, impressionnant la dette. Genre, en fait, le cheminot, de par son statut, pourrait échanger son statut contre la dette. C'est ce que Macron a proposé dans les médias, a fait sous-entendre, comme quoi les cheminots, ils arrêtent leur statut et ils reprennent la dette. Mais la dette, c'est pas nous qui l'avons faite. Et c'est ça qui est assez hallucinant. Ça, c'est mon papier. Alors, vers la fin du régime spécial des cheminots, notons qu'à ce stade, des réformes, on va dire que faire payer en fait le... Ouais, tiens, si tu veux. Attends, tant que je regarde les papiers. Il n'a pas l'habitude de lire, hein. C'est un gars qui bosse sur le terrain et il n'est pas conducteur comme moi. Donc, en fait, ce qu'il essaye de vous dire, c'est que la raison principale qui fait que Macron veut casser la SNCF, c'est qu'il ne veut pas casser spécialement la SNCF. Ce qu'il veut, c'est... la SNCF, il l'aime bien. Ce qu'il veut, c'est aucun cheminot au statut. Voilà. Parce qu'on fait partie des derniers... on va dire... derniers salariés au statut qui les faisons bien chier, il faut le dire ce qui est. Et j'ai prévu de continuer à lui rendre l'appareil. Donc déjà, il y a ça. Après, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Yannick au début, sur l'entité en trois groupes. Il faut savoir que quand il y a eu la réforme du ferroviaire en 2014, il y avait deux groupes à la SNCF. Il y avait la SNCF et il y avait RFF, entité qui a été créée en 1996 pour faire plaisir à Bruxelles, pour avoir une séparation comptable de la pratique dans la même boîte. Voilà. Et le gouvernement s'est dit, avec deux entités, ça ne fonctionne pas. ça, on est d'accord. C'est le seul truc sur lequel les syndicats et Macron étaient d'accord. Donc ils se sont dit, ça ne fonctionne pas à deux. On va créer trois entités. Voilà. Et il s'est dit aussi, pour faire passer la pilule auprès des cheminots, eh ben, on va réintégrer RFF, Réseau Ferré de France, dans l'entité SNCF, qu'on va appeler SNCF Réseau. On va séparer la partie qui fait que conduire les trains, exploiter les gares, on va appeler ça SNCF Mobilité. Et on va créer une troisième entité pour gérer, pour chapeauter tout ça, qui s'appelle SNCF EPIC, hein, c'est bien ça, hein. EPIC de tête, quoi, hein, qui devrait sauter l'année prochaine d'ailleurs. Et en contrepartie, il a dit, eh ben nous, on s'engage à reprendre la dette de la SNCF, qui n'est pas une dette de la SNCF, parce que faut savoir, c'est comme France Télécom, en fait, ou les autres trucs. C'est vous, c'est nous qui avons payé le TGV et tout ça. Et le gouvernement, qui disait, moi, je veux des lignes TGV un peu partout, il s'est dit, bah, moi, je vais payer. Sauf que le gouvernement est quelqu'un de très fiable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme d'habitude. Eh bien, il n'a pas payé, et puis il a remis ça sur la dette de l'entreprise. Donc là, maintenant, eh ben, il y a les ordonnances. Pépi vient d'annoncer là, dans un communiqué interne auprès de ses cadres, qu'il allait les appliquer auprès des cheminots. Voilà. Donc, si vous entendez un jour un cheminot qui dit vous, on n'est pas concerné, vous avez le droit de lui taper dessus, parce qu'on est aussi bien concerné que vous, que tout le monde. Voilà. Et en échange, il a dit, eh ben, on va vous reprendre la dette. Donc, il nous refait le coup qu'il nous a fait en 2014. Voilà. Sauf que là, on n'est pas con. Il est vrai que chez nous, la lutte, ben, elle a du mal à démarrer, mais pour notre défense, on va dire, c'est pas que chez les cheminots. Hein. Je vais essayer de me défendre comme ça. Hein. Mais il est vrai que je préférais que les cheminots luttent. Après, le problème, c'est qu'en interne, on est en train de subir ce qu'a subi France Télécom il y a quelques années avec les vagues de suicides, etc. Là. Actuellement, moi, j'étais en arrêt depuis le 15 septembre parce que je faisais officiellement, je faisais ce que ils appellent ça un syndrome anxieux. Voilà. Donc, en gros, je suis méchant, j'ai envie de taper tout le monde. C'est juste que, comme j'étais représentant syndical au CHSCT, je passais mon temps à me battre avec le patron et il y avait eu quelques suicides en Bretagne et puis moi, je les emmenais au tribunal avec des expertises, etc. Et puis on était devenu un peu l'homme à abattre et en plus, je faisais partie comme Yannick, du mauvais syndicat pour la boîte. Ce matin, j'ai été à ma visite de reprise. Donc, mon médecin m'a autorisé à reprendre en mi-temps thérapeutique. Et j'ai posé la question aux infirmières. Et l'infirmière, elle m'a dit, tu sais, Mickaël, ce qui t'arrive, c'est... je le vois partout. Et elle me disait, la nouveauté, c'est pas non seulement qu'on le voit dans tous les services, c'est que la nouveauté, c'est que ça touche tout les échelons de l'entreprise, c'est-à-dire du simple exécutant jusqu'au cadre sup. C'est-à-dire qu'on a un taux d'arrêt de travail là depuis 5-6 mois là pour des burn-out qui affolent les compteurs. Voilà. On fait, et surtout ce que les gens savent pas, c'est qu'on fait 3-4 000 suppressions de postes par an, mais vu que c'est la SNCF, on n'en parle pas. Alors je vais pas critiquer les autres boîtes, mais les médias préfèrent parler des petites boîtes où on supprime 50 salariés, 3 salariés. Mais quand on supprime 4 000 personnes ou 3 000 personnes dans une entreprise publique, on s'en fout. Sauf que les gens, après, vont le payer. Et en Bretagne, ils commencent déjà à le payer. Les TER, hein, trouvez-moi un TER qui arrive à l'heure. Ça devient rare maintenant en Bretagne, alors qu'avant, on avait un... C'est ma femme qui m'appelle. Alors qu'avant, on avait un des meilleurs réseaux en France, la Bretagne. Voilà. Là, ils ont dit, on va lutter contre la fraude. Nous, on est d'accord, lutter contre la fraude. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si, on est d'accord. Tant que le réseau n'est pas gratuit, il faut le payer. Voilà. Après, c'est un autre débat. Donc, ils se sont dit, on va lutter contre la fraude. Et l'excuse qu'ils nous ont donnée à nous, les instances SHSCT, ben, ils nous ont dit, pour lutter contre la fraude, eh ben, on va supprimer les contrôleurs. Là, vous êtes contents. Hein, voilà. Donc, en Bretagne, ils suppriment des contrôleurs pour lutter contre la fraude. Voilà. Et le taux de fraude, hein? Alors, c'est le système STAR. c'est le système des bus, en fait. C'est-à-dire que quand vous prenez le bus, il n'y a pas de contrôleur, hein, mais il peut monter à l'improviste. Sauf que vous avez vu, dans les bus, il monte à 3 ou 4. Bon, ben nous, on ne sait pas faire 3 ou 4. Nous, on monte à 15, 20. C'est véridique, hein. 15, 20. Et si vous êtes dans une gare comme Rennes ou dans une gare comme Carlane aussi, qui suivent ces deux grosses gares où il y a pas mal de fraudeurs, là, ce n'est pas 15, 20 là, que vous avez par train. C'est, ils sont 50, voire 60. Ouais, ouais. Voilà. Plus que. Ouais. Bah, j'ai un collègue qui m'a raconté une fois, il y avait un train, il était parti de Brest, il arrivait, ils étaient quatre dans le train, et comme c'est un camarade, il informait des voyageurs. Attention, il y aura des contrôles à l'arrivée. Voilà, parce que voilà, il n'est pas pour surprendre les gens. Attention, il y aura des contrôles à l'arrivée. Et bien, ils ont quand même réussi à en trouver un. Mais 60 pour un, ou même s'il y avait des, si tout le monde avait fraudé, 60 gars détachés que pour ça, c'est quand même pas mal. Pour lutter contre la fraude, c'est pareil, mais ah oui, aussi, il y a deux types de fraude. Le second classe, lui, on peut le faire hacker. Le gars de première classe, il peut frauder. En Bretagne, il n'y a pas de contrôleur, enfin, il y a des contrôleurs dans les TGV, mais ils ne contrôlent pas en première classe. Voilà. Ils ne contrôlent qu'en seconde. Voilà. Sur ce, je vous ai rien dit, mais voilà. Non, mais c'est tout ça, c'est pour nous rappeler qu'on est bien dans cette lutte de classe, que le patron là nous dit non, la lutte de classe c'est archaïque, c'est non, on est en plein dedans. Hein. Je vais pas vous refaire le coup du Titanic où les troisième classe ils étaient enfermés dans les soutes, enfin dessous il y avait aucun contact avec les tâches du dessus quoi. On en revient. La troisième classe, elle est revenue en France. Elle s'appelle l'écart Macron. Voilà. C'est pour ça qu'il faut continuer. Alors nous, on va continuer à lutter, en tout cas Yannick et moi, de notre côté, pour que nos camarades rentrent dans la lutte. Même après, c'est mon opinion personnelle. Même si je pense que les cheminots ne nous attendaient pas à nous voir dans la lutte avant 2018. Parce que c'est en 2018 que Macron a annoncé la fin du statut des cheminots et la fin de notre caisse de retraite. Et l'ouverture enfin, de notre caisse de prévoyance, qui est la sécurité sociale, en fait. Et l'ouverture à la concurrence, voilà. Officielle. Quoi. Donc, je pense que les cheminots, là, notre grande bataille, ce sera plutôt 2018. Mais il y a quand même une cinquième journée d'action qui est prévue à la CGT cheminots. Voilà. Tu peux parler. Et avec quelle date, Mickaël? On n'a pas encore la date. La date, c'est la discussion avec les. Bah ouais, du coup, pourquoi du coup on est présent ici pour vous expliquer nos problématiques du chemin de fer? C'est parce qu'on est attaché à tout ce que toute lutte, elle concerne toutes les réformes, toutes ces lois scélérates, qu'on soit chômeur, précaire, jeune, retraité, fonctionnaire, cheminot, postier. Pour nous, c'est tout ça, c'est pareil, c'est des politiques scélérates et qu'il ne faut pas se laisser avoir par la presse qui est très habile pour nous faire passer et essaye encore de faire avaler la pilule à la totalité de la population qui ne se passe rien en France. Moi, je suis quelqu'un qui suis très engagé dans l'Interpro. Beaucoup de gens ici me connaissent déjà. Mickaël, c'est pareil. Et que les cheminots, nous, on ne sera jamais corporatistes dans une lutte. On ne voit pas l'intérêt. Parce qu'on voit à chaque fois que chaque attaque qui se passe, c'est l'attaque globale du monde du travail. C'est pour ça que l'AG interprofessionnel est le seul endroit où on peut enfin se retrouver et avoir des débats autres que ce qu'on pourrait avoir dans notre syndicat, ou avoir avec nos collègues, et aller au-delà comme question, comme la transformation de la société et le changement de cette société.